Bonjour, un bonjour dominical pour tout le monde, pour tous ceux-là qui nous suivent. Je dis merci beaucoup. Vous avez remarqué que deux jours nous n'avons pas diffusé. C'est juste pour vous dire que nous sommes en plein tournage de quelque chose qui va vous surprendre dans le futur. Mais nous voici revenus pour vous parler de l'actualité qui défraye la chronique de l'arrestation de Jean-Jacques Mamba, député. Alors, nayoki information na Top Congo. Batumoko balobi, les députés de toutes tendances confondues, balobi qu'il est arrêté arbitrairement et qu'il faudrait que ba libéré sans condition. Vous savez, et comme ma phrase qui énerve, et que par moment, il faut pas qu'on m'attende à un niveau moko déclaré bloc à Boiba Betio. Pourquoi? Ces mêmes gens ici qui prétendent respecter la loi, être sérieux, la moindre des choses à faire, Jean-Jacques Mamba, Tango Bamoni par trois fois le faux en écriture, qu'on imite signature Yamoutou, intention Isali, ma bemakas. C'est-à-dire, tu es parmi les malfaiteurs. Parce que ma malfaiteur, ba utilisa ba signature, ba ibi, ba mbongo, ya ba tuna ba chèque. Ce sont ces gens-là. Ne prenez pas seulement faux en écriture comme étant une petite infraction pénale. Non, c'est une grande infraction. C'est-à-dire, Moutoyo n'de amesana kosala boye dans sa vie. C'est ce qu'il faut dire que non. Mamba, Azali, alors malfaiteur, il y a chaque jour, c'est un contrefacteur. Ça, on l'a dit de près. Alors, ça, c'est contrefaçon chaque jour, alors. Ça, c'est par extrapolation. Parce que, acte où il y a posé et la kisi n'engé à Zalaka. Un. Deux. Ces mêmes députés n'ont pas crié. Il y a que Mamba a commis Mikanda Kaka Mabund na yende ba yeba ki. Ba soutouka boye opération bandi. Alors que le bureau est constitué de 7 membres. Même celui qui est accusé n'a pas été saisi. Baeko Soutouka, c'était quoi? Si nous écrivons, nous déposons, la réaction sera vite donnée d'où il fallait aller tricher. C'est-à-dire, Amesana tricherie. Ça ne m'étonne pas, Aoutina MLC. Ça ne m'étonne pas. Voyez-vous? Et donc, Mabunda est complice. Vous voyez? Faut-il arrêter encore? N'a complice n'a yé koluka, ba lever ba immunité pour le poursuivre. Non, et comme il blague. Et comme il blague, je suis d'accord avec la justice congolaise maintenant. Pourquoi? Parce que ba député à FCC n'a ya la mouka, ba comme ko bata massima ya immunité, ba sala kakaka bouzoba ou ba sala moussala na bango, ou yo ba tu ba vota ki, ba vote la ki bango. Maintenant, la justice va sauter ça. Ça sera une bonne chose. De cette façon, au moins, on en a respect. Parce que ce que Mamba a fait, le faux en écriture, ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Ezamouyibi. Dans l'exercice de ses fonctions, ce que lui a posé comme acte. Ezalaki kakaya, Koluka démarche à obtenir une exclusion. Vous voyez? La démarche. Mais l'acte dans la démarche, il y a foi en écriture, ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Et là, qui sait que là, il est allé en dehors parce que tricher avec les signatures des autres n'est pas dans les fonctions d'un député. Jamais population est une député qui ne peut tricher les bisous. Jamais. Bakangaye kakandenge wana. Ba sambi saye, boloko e précédé, ba obligé bango, ba longo la humanité. Maki Mukeba était à Makala. Mamba le ki yete. Il faut tokende la bango kakandenge wana. C'est pourquoi je vous ai dit, soyez tranquille. Ba ko dissoudre l'assemblée wana boyete. Ce moment, on va dissoudre, on sait que mon monsieur Koti Toza déjà prêt, et que jamais président Yasseni a Kozala Moutou Oyo, Bango Bao Lula, et Kozala élection dirigée par le ministère de l'Intérieur, Nenege Salemaka. Batika Korefe, que Bakozo Batumoko Boye, Baouti, Kabila Yaka, au moins, Toza l'élection, il n'y aura pas ça. D'ailleurs, le président Félix en a fait assez trop comme ça. Autorité politique qui n'est nulle part dans la nomenclature, il y a l'État. Donc, ministère Affaires étrangères, ndeko sali sélection. Botika ko rêve que vos osez la on na kozala na kati ya seni. Toko telemela likambo wana. Et député to akobanda ko sala buzoba akokendeka ka makala bosana immunité. Immunité nandenge ba débat politique boko sala ndenge reprendre ba loi et tout le reste oké ko finga ba tulibanda et sa immunité na yote okoti là coup de chapeau na pouvoir ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Deuxième problème batou ba komi ko spekile neti bana mike me basali droit. Oh, mukuna ndenge afundi ye. Soki ba jije ye. excusez-moi. Soki ba akite ye. Et si li kabila boku tika la jame ko nani. Ko funda ye. Et ke ba okanga ye risoute. Nabi vous mentez, monsieur. Makambu bozolo ba ezaya ke. Jije. Condamné. On ne peut plus encore pour la même affaire juger et condamner. Mais lorsque on vous déboute par vice de procédure, ou lorsque le tribunal se déclare incompétent, lorsque la cour constate qu'elle n'est pas à mesure à juger Kabila, ou lorsque la cour dit que la loi telle ne nous permet pas de juger Kabila, ce n'est pas fini. Voici la démarche ya kozwa yangoyo. Na opesa hiérarchie. Et loko ezalaka likolo na nyonso eza constitution. Si ma constitution, nous avons les accords et les traités internationaux. Après des lois elandi. Or Kabila Azana mo avantage mouke pour la loi Oyobache. Encore, Kasayen Moutoua, Salaki loi wana, Azaki proposa ki basali ango, Modeste Moutingay. Loi Ezana Seya, traité et accord internationaux. Mais si vous regardez, vous allez trouver que ces pays, Ezana traité Oyo, to adhéra ki na yango, eza international, ye soki bofundi kuna bakozwa Kabila. Si vous mettez en mouvement le tribunal pénal international, bah vous voyez, et ça dit colo, il y a loi où il y a voté qui awa pour nous protéger l'ancien président de la République. Parce que d'ailleurs, nous savons que c'était une loi taillée sur mesure, yaye, que nous avons constaté que Salim Abe m'a cassé. Tout ça, la loi pour toi, tu es à l'aise. Parce que pour la bango, si tu es à l'aise, tu es à concéder tes bokonji. Comme qui dirait, il y a un bokonji dans la poche pour abîmer et comme un kilo. Donc, c'est simple. Ce qui est à l'ONG, à la société civile, à Sangani, à comme il y a ce pays. Ce pays bâti un mouvement pour récupérer Kabila. Bâti pression, le président Félix Andimi, bâti naï. A ressemble à ce qu'on a rebêta, il y a eu que tu oumé la couleur à Mbemba. Parce que Bako ressemble, c'est 20 ans. Peut-être que tu as 20 ans à Ozalati. Ou bien 20 ans à Gomikoko. Tu as eu que condamné. Barubimbo, ils ont 100 ans. Babi a reçu 20 ans, 80 éthiques. Donc, bon souffrir dans nos terres. Ils ont terrorisé Bino, même les avocats. Bah, il dit bien que Aza n'a pas une position fragile. Bah, au cours ça y est. Le dernier point, il faudrait arriver à interdire le gouverneur à la tenue militaire. On n'est pas dans, en temps de guerre. Le corps de mon ami Zoé à la Tiango, abîmé par militaire rebelle à Salaboué. Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'ils ont prise d'armes. Ce qu'ils ont prise d'armes, est-ce qu'il y a un tocosa la Yango? S'il a fait ceci, qu'est-ce que ça signifie comme langage? L'État congolais a le binango nini? Ou bien Zali défi pour dire écoutez, voici Tanganyika que je dirige. Et ça, autonome en tout et pour tout. Et j'ai une armée capable de résister. Donc, il faut arriver à dire non. Il faudrait que le ministre de l'Intérieur se charge à Zoé, Koutounaye, au Salibou Ndengenini. Et puis, ministre de la Défense, Molokola Zamutunabango, va sauter Kaka, le président de la République, commandant suprême, à Longoli, va tout au bas de formation Wana. Va transférer Bangwatana Kitona, Bakati Ndambo Kitona, Ndambo Moussouke Kamina, Kalemi Tikala na force navale, Oyo, Mboponi Bino Moko. Ne laissez pas ce jeune homme s'amuser comme ça. Parce que vous voyez déjà, ça signifie beaucoup de choses. Rappelez-vous, Nalobaki Nabino Kibao, Bakimi Minembwe, Bashi Bakie Kuna. Et donc, il ne doit pas faire exception par rapport à tout le monde. Il va dire si j'ai fait ça, c'est en vertu à date du 17. Est-ce que Zali y a refaité? Non, pas du tout. Mais Kokoufa y a Laurent Désiré Kabila, il y a le 16 janvier 2001, oui, parce que Baboma qui y est de Koboma en exercice. Yéna Lumumba, Zali y a chômé et payé, c'est normal. Mais Kokoufa ya papa Étienne Tshisekedi, on ne peut pas faire ça parce que Azala qui en fonction était que Nde Akoufi. Non. Mais le 17 mai, Zali, Afdel et Yekobet à coup d'État, on ne peut pas fêter. On ne peut pas, jamais. Il faut interdire ces histoires. Sinon, si vous dites que y a qui changement, Moko et Koti, mais Mobutu à Kotaka le 24 novembre, et ça n'a pas fait changement. Alors, on a dit que ça Koti. A Oumeli, Laurent et à Longoli, Laurent à Koti. Et vous pensez que il faut qu'on fête au Laurent à Longola qui est Mobutu, mais il ne faut pas fêter au Mobutu à Longola qui est Kassavubu. Et si vous tenez, alors il faut fêter à entrer à Kassavubu. Nakiti, il y a Longola qui va belge. Il faut fêter Mobutu à Longola qui est Kassavubu. Il faut fêter Laurent Désiré à Longola qui est Mobutu. Il faut fêter. Et Joseph Kabila, oui, à Longolaki, Laurent Désiré Kabila, il faut fêter Félix Tshisekedi, Oyo, à Longolaki Kabila. Or, si vous voulez aller ça, ça ne signifie rien du tout dans la République. Ça serait du gâchis. Le 17 mai ne peut pas. Mais le 16 janvier, Kokoufa Yamouzé, oui, Ça, c'est normal. Vous allez dire non, on a libéré. On était où? À quelle prison? Bakoti, oui. Bakuti biso, d'accord. Mais même situation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour la même situation. Évitez qu'on dise libération. Non. Et ça, là, qui coup d'État, c'est normal. Par une rébellion irrégulière, dans la mesure où ce sont des armées des pays frontaliers qui sont venues, mais de Kolabisha Zagi Likolo, à Koti, et la conséquence est que Tangwa Zongi Shibango et Mendelie problème jusqu'à ce que Bayo Bomaye. Là, le 16 janvier 2001, pour Laurent Désiré Kabila, oui, Toko Sala, Jourouana, férié, Lokola le 17 à Lumumba, férié, là oui. J'insiste là, oui. Mais faites oh, les 17 mai. Non. Ça, il faut que le pouvoir voie cette histoire et coupe court. Bande Konangaï, tout solo là qui la fois passé, ma cambouetali, ba ONG, ba association. Association Fatih Solution, dirigée par Maman Pauline Mujinga, na comité naïe, et où tu peux réaliser Oyelobake. Voilà les associations dont on a besoin. Et promettre et sali. Toboyi, kolembesabisho na matoyi. Hein? Koganga ganga. Et ça, le kola, disque kalamingi te zobima. Kalamingi zete 6 ans. Ou la raraba tout disque. Poser les actes. Mbujima a été servi na ba orphelina. Par l'association Fatih Solution, dirigée par Maman Pauline Mujinga. Coup de chapeau, Maman. Bon fond dans la bino tranquille. Oye balobaka, lobaloba trop ça la salle arrière. Boko takunati. Moussa la kaka. Très bien. Voilà les gens qui accompagnent les œuvres du chef de l'État correctement. Correctement. Ba wenge ezali ebele. Mais to monaki wenge mi baleka kaze fonctionné. Ba association yeza na kombo ya Fatih eza ebele. Mais tout le monde a fonctionné. Total est de près. Tout encourager Bango. Bon week-end, beaucoup de bonnes choses. Bye bye.